الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أسأل الله العلي الكبير أكرم الأكرمين رب العرش العظيم ويمن علينا وعليكم بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويغفر لنا ولكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى لا يقال السلام على الله. Chapitre numéro 51. On ne dit pas que la paix soit sur Allah. Assalamu ala Allah. Allahuna nafiya. Wa hukmu al-bab al-tahrim. On ne dit pas, c'est-à-dire c'est interdit. C'est une interdiction. C'est interdit de dire Assalamu ala Allah, que la paix soit sur Allah. Cela pour plusieurs raisons qui viendront après inshallah ta'ala. Sifatullah ta'ala uliya kama anna asma'ahu husna. Qala rabbuna azza wa jalla fi kitabil karim wa lahu al-mathal al-a'la fi as-samawati wal ard. Allah tabaraka wa ta'ala à les attributs les plus complets et les plus parfaits, tout comme ses noms sont sublimes, exemptés de tout défaut. Dans le chapitre passé, nous avons lu le verset « Walillahi al-asma'ul husna » « À Allah appartient les plus beaux noms ». Et ici, dans ce chapitre, nous voyons qu'Allah tabaraka wa ta'ala, tout comme ses noms sont parfaits et complets, ses attributs le sont également. Il nous dit dans son livre, la traduction, à lui appartient les attributs les plus sublimes. Munasabatul bab li kitab at-tawhid. Pourquoi est-ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mis ce chapitre dans son livre, kitab at-tawhid? Lamma kana as-salamu ala ash-shakhsi ma'nahu طلب السلامة له من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله لأن الله هو الغني السالم من كل آفة ونقص وعيب فهو يدعى ولا يدعى له وهذا الكلام أيضا يوهم أن الله قد يلحقه النقص فهذا الباب فيه وجوب تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحاجة والنقص. الحمد لله. ووجوب وصفه بالغناء الكامل. وفي هذا الباب اجتناب بعض الألف والأبواب التي بعدها. اجتناب بعض الألفاظ مراعاة للأدب مع الله سبحانه وتعالى. Donc, l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid. On ne dit pas que la paix soit sur Allah. Car demander la paix pour une chose, une personne, signifie que tu demandes à ce qu'elle soit purifiée et éloignée de tout défaut, de tout manquement et de toute imperfection. Donc ça n'est pas permis de demander cette chose pour Allah, car Allah lui est parfait. Et il ne peut être touché par le défaut ou le manquement. Ta'ala. Aussi, en demandant la paix pour Allah, on pourrait comprendre ça pourrait nous laisser penser qu'Allah peut être sujet aux manquements et aux défauts. Subhanahu wa ta'ala. Ajoutez à cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala se passe largement des mots. Il n'a besoin de personne. Et ses attributs sont les plus complets, les plus parfaits. C'est celui qu'on invoque et on n'invoque pas pour lui. C'est celui à qui on demande et on ne demande pas pour lui. Il n'a aucun besoin, aucun défaut, aucun manquement. Il se passe donc largement des mondes. Ainsi, dans ce chapitre et les chapitres à venir, l'auteur, rahimahullah ta'ala, va nous citer des expressions et des paroles desquelles nous avons l'obligation ou bien nous devons nous éloigner afin d'avoir un bon comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Et ça n'est que comme cela, c'est-à-dire en s'éloignant de ces paroles, que la personne va concrétiser at-tawhid. Donc je répète en résumant. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid. Donc on ne dit pas que la paix soit sur Allah. Car en disant cette parole, on pourrait comprendre qu'Allah est dans le besoin de ses serviteurs. Qu'Allah peut être sujet aux manquements, aux défauts. Donc le serviteur invoque pour lui. On pourrait également croire ou penser qu'Allah tabaraka wa ta'ala est dans le besoin. Amma munasabatul bab hadha lima qabla al-bab alladhi qabla fi ithbatul asma'il husna lillahi jalla wa ala al-mutadhammina li sifatih wa mawdu'u hadha al-bab salamatu sifati min kulli naqsin وهذا لكمالها أيضا لا يتم الكمال إلا بإثبات صفات الكمال ونفي ما يضادها لذا أعقب المؤلف رحمه الله تعالى الباب السابق بهذا إشارة إلى أن الأسماء الحسنى والصفات العلى لا يمكن أو لا يلحقها نقص. نعم. Quant au rapport qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent, le chapitre passé, le chapitre numéro 50, traitait de la perfection des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la perfection des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, entre autres, et du fait que ces noms comprennent des attributs parfaits et complets. Donc le chapitre précédent nous parle de la perfection d'Allah Azza wa Jal dans ces noms. Et ce chapitre-là nous parle de la perfection d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans ses attributs. Ainsi l'auteur nous montre que la perfection du nom ne peut être, si ce n'est avec la perfection de l'attribut qui est compris dans son nom. Allah tabaraka wa ta'ala a les noms parfaits et il a des attributs parfaits. Et sans attributs parfaits, le nom ne peut l'être. Tout ça pour nous montrer qu'Allah azza wa jal n'est pas sujet aux manquements ni aux défauts, que ce soit dans ses noms ou que ce soit dans ses attributs. As-salam, donc le titre, La yuqalu as-salamu ala Allah. Que signifie as-salam? As-salam, ici ils ont traduit par la paix. As-salam lahu iddatu ma'ani. As-salam, ce mot en arabe a plusieurs sens. Ya'ti bi ma'ana at-tahiyya. Ça vient dans le sens des salutations. Sallim alay. Ay. Salue-le. Donc as-salam, ça vient dans le sens des salutations. Pas celui le salam, c'est-à-dire salue-le. Deuxièmement, min as-salama min al-afat. Deuxièmement, la paix, c'est-à-dire le fait d'être préservé des défauts. As-salamu alayka ayyuha an-nabi, par exemple dans at-tashahhud. Troisièmement, As-salam ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala al-husna. Troisièmement, As-salam est un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans sourate Al-Hashr. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min. Parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a As-salam. L'auteur, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, wa rahimahullahu ta'ala, wa rafa'allahu darajati fil jannah, a cité pour ce chapitre un hadith. Qal fi sahih, an ibn Mas'ud radiallahu anhu, qal. كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان قال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. Dans le Sahih, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, lorsque nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la prière, nous disions, ici vous avez deux S, c'est avec un seul S, n'est-ce pas, que le salam soit sur Allah de la part de ses serviteurs, que le salam soit sur un tel ou un tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ne dites pas que le salam soit sur Allah, car il est as-salam. Ne dites pas que la paix soit sur Allah, car Allah lui est As-salam, est la paix. Donc l'auteur nous dit fi sahih, aydin si sahih, fi sahihay. Il nous dit dans le recueil authentique. Lorsqu'on entend sahih à la base, c'est sahih al-Bukhari. Mais ici, il nous parle de la notion générale de sahih, c'est-à-dire sahih al-Bukhari, sahih muslim. Donc le hadith est dans sahihay, dans le recueil d'Imam Bukhari et l'Imam Muslim. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي في الفريضة صلاة الفريضة lorsque nous étions avec le prophète صلى الله عليه وسلم dans la prière, c'est-à-dire dans la prière obligatoire, في التشهد, au moment, plus précisément au moment du التشهد, وهذا قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم التشهد المشروع. Et ce qui va être cité ici a eu lieu avant que le prophète صلى الله عليه وسلم enseigne aux compagnons la formulation du tashahud que nous connaissons, avant que cela soit légiféré, révélé, transmis. كما في رواية عند أحمد كنا إذا جلسنا للتشهد لا ندري ما نقول. Comme cela est venu dans une des versions du Musnad de l'imam Ahmed, Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, lorsque nous asseyions pour le tashahud, on ne savait pas quoi dire. Donc c'est avant qu'on nous enseigne la formulation du tashahud. Qulna, nous disions, As-salamu ala Allahi min ibadi. Que la paix soit sur Allah de la part de ses serviteurs. As-salamu ala fulan. Que la paix soit sur un tel, wa fulan est sur un tel. Ici, en arabe, vous avez une seule fois ala fulan. D'accord ? C'est ala fulani wa fulan, deux fois, sur un tel et un tel. À moins qu'il y ait une version, qu'il y ait une version où il y a une seule fois. Sinon, c'est deux fois que ça a été cité dans le hadith. Non. أيطلبون لله السلامة من الآفات وهذا كان اجتهادا منهم. Donc lorsqu'ils étaient dans Tashahhud, ils invoquaient pour Allah. Ils disaient que le salam soit sur Allah. Ils demandaient à ce qu'Allah Azza wa Jal soit éloigné de tout défaut et de tout manquement. Et le sens de As-salamu ala Allah, qu'Allah soit éloigné de tout défaut et de tout manquement. Et c'est un effort de réflexion de leur part, car, comme je vous l'ai cité, At-Tashahhud n'avait pas encore été légiféré de par la formulation que nous connaissons. في رواية من قبل عباد de la part des serviteurs وفي هذا في صحيحين وفي الصحيح السلام على جبريل وميكائيل وفلان وفلان. Donc que la paix soit sur un tel, dans d'autres versions c'est est venu que la paix soit sur Jibril et Mikaïl. Donc il demandait as-salam pour Allah, il demandait as-salam pour Jibril, il demandait as-salam pour que la paix soit sur Allah, il demandait que la paix soit sur Jibril, que la paix soit sur Mikaïl, les meilleurs des anges. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا وهذا للتحريم السلام على الله فإن الله هو السلام وهذا تعليل للنهي فإن الله هو السلام والسلام لا يحتاج إلى السلام فهو نفسه سالم من كل آفة ونقص فلا تطلبوا هذا لله سبحانه وتعالى. Après avoir entendu cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a corrigés, les a orientés, en leur disant, ne dites pas, donc c'est une interdiction, ça montre que c'est haram de dire as-salamu alaykum, c'est une interdiction. Ne dites pas que le salam, que la paix soit sur Allah, car Allah est la paix. Allah est la paix, on ne demande pas la paix pour la paix, car Allah lui-même c'est as-salam. Celui qui est purifié, éloigné de tout défaut, de tout manquement. Donc on ne demande pas cela pour lui. وجه النهي عن هذا القول راجع إلى أمور. Pourquoi est-ce qu'on nous a interdit de dire As-salamu ala Allah? Pour plusieurs points, pour plusieurs causes. Premièrement, As-salamu ala shay يتضمن الدعاء بالسلامة من الآفات وهذا إنما يصح في من أو في حق من يمكن وقوع الآفة عليه والله متنزه عن ذلك جل وعلا فلا يجوز إذن أن نقول السلام على الله. Premièrement, il nous a été interdit de dire que la paix soit sur Allah, car le fait de demander la paix pour une chose, c'est une dua. C'est une dua. Tu demandes à ce qu'elle soit éloignée, préservée et en paix de tout défaut et de tout manquement. De tout défaut et de tout manquement. Et cette invocation, on peut la dire pour une chose qui est sujet au manquement et au défaut. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, exempté soit-il, il n'est pas sujet au défaut ni au manquement. Donc on ne peut pas demander pour Allah subhanahu wa ta'ala cette chose. Est-ce que c'est clair? Si tu demandes que la chose soit éloignée de défauts et de manquements, c'est qu'elle est sujette à cela. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est exempté de tout défaut, de tout manquement. Donc on ne peut pas demander cela pour Allah tabaraka wa ta'ala. فَكَانَ هَذَا الْقَوْلِ مُوهِمًا بأنه سبحانه وتعالى يجوز له أن ينال له شيء من آفات من الآفات. Donc en faisant cette invocation, ça laisserait entendre qu'Allah Azza wa Jal peut être touché par des défauts ou des manquements. Voici la première raison pour laquelle on nous a interdit de dire ce. Deuxièmement, الدعاء لله يوهم العجز والحاجة على الله فإن الذي يدعى له إنما هو المحتاج. Deuxièmement, d'invoquer pour Allah subhanahu wa ta'ala, de demander une chose pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour laisser entendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala al-ghani a des besoins, ou peut se retrouver dans la capacité. Celui donc pour qui on fait du'a, c'est celui qui peut être dans le besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Quant à Allah, lui, il se passe largement des mondes, comme il nous le cite dans plusieurs versets du Coran, dans sourate Fatir par exemple et d'autres. Allah ghaniyun 'anil 'alamin wa ghayruhu muftaqirun ilayhi. فكيف يدعى لله وهو المدعو وكيف يطلب له وهو المطلوب جل وعز. Donc comment est-ce qu'on pourrait invoquer en faveur d'Allah alors que c'est celui qu'on invoque? Comment est-ce qu'on pourrait demander quelque chose pour Allah alors que c'est auprès de lui qu'on demande les choses? Allah nous dit en Coran: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Allah nous dit dans le Coran: ô vous les gens, vous êtes dans le besoin devant Allah. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. S'il veut, il vous fait tous disparaître et vient avec de nouvelles créatures. Et cela n'est aucunement difficile pour Allah. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal nous met en garde contre la mécréance et la gratitude. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an. Allah Azza wa Jal nous dit que si on mécroit nous, ainsi que l'ensemble des gens de la terre, Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. C'est le riche. Et dans plusieurs versets, on nous cite cela. Troisièmement, هذا الكلام لا معنى له. لأن السلام اسم لله. Troisièmement, cette parole, au fond, n'a pas vraiment de sens. Pourquoi? Car nous savons que As-Salam est un des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car nous savons que As-Salam est un des noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاته: اللهم أنت السلام ومنك السلام. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, après sa prière, lorsqu'il finissait la salat: ô Allah, tu es as-salam, tu es la paix, et de toi émane la paix, de toi provient la paix. Et dans surat al-Hashr, que je citais: Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam. Donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a As-Salam. À partir du moment où As-Salam est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant As-Salamu ala Allah, ça revient à dire As-Salamu ala Salam. Allah ala Allah. Yani tu demandes le nom d'Allah sur Allah. Donc cela n'a pas vraiment de sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité à la fin du hadith fa inna Allah huwa salam. Car certes Allah est la paix. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend deux sens. Fa inna Allah huwa salam, ça comprend deux choses. السلام في أسماء الله سبحانه وتعالى راجع إلى معنيين. Donc la paix concernant le nom d'Allah تبارك وتعالى revient à deux sens. أنه سالم عن كل نقص وعيب وآفات في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. Donc Allah est As-Salam, c'est-à-dire qu'il est exempté de tout défaut, de tout manquement dans l'ensemble de ses noms, dans l'ensemble de ses attributs et dans l'ensemble de ses actions. وَعَنْ كُلِّ مُشَابَهَةٍ أَوْ مُمَاثَلَةٍ لِلْمَخْلُوقِينَ. Et de toute similitude ou ressemblance avec ses créatures. لِكَمَالِهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Du fait qu'il a la perfection absolue dans l'ensemble de ses noms et de ses attributs. Au point où personne ne peut se rapprocher de lui ou lui ressembler dans cela. La yusharikuhu ahad, n'a aucun associé dans tout cela. Allah tabaraka wa ta'ala a une perfection telle que rien ni personne ne peut lui ressembler. Donc le premier sens est de dire qu'Allah azza wa jal est exempté de tout défaut, de tout manquement dans tout ce qu'il concerne, comme nom, attribut et action. Donc personne ne peut lui ressembler, au fait qu'il a cette perfection absolue. Deuxièmement, le deuxième sens, wal musallimu ibada, alladhi yusallimu ibadahu ani shuru wal uyu wal afat wal darar. Le deuxième sens, Allah est As-Salam, c'est-à-dire celui qui repousse et purifie ses serviteurs des défauts, des manquements, des maux, et ainsi de suite. Donc, il y a une chose dans As-Salam qui est en rapport avec Allah tabaraka wa ta'ala, ça le concerne lui. Et une chose qui est en rapport avec l'action d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Ça nous concerne nous. Donc il est parfait en lui-même, exempté de tout défaut, et c'est celui qui purifie ses serviteurs et les préserve du mal. En deux mots. Certains parmi les savants ont ajouté wa huwa aydan al-musallimu ala ibadi. C'est également celui qui va saluer ses serviteurs. Le nom d'Allah Ar-Rabb, Seigneur, vient dans le Coran mu'arraf bi al. Vient dans le Coran avec l'article al. C'est toujours le Seigneur. Sauf dans un seul verset du Coran, si je ne me trompe pas, lequel? À chaque fois qu'on voit le nom d'Allah Azza wa Jal, Rabb, c'est avec Alif Lam, avec Al. On ne trouve pas Rabbun, Rabban ou bien Rabbin, en parlant d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, si ce n'est une fois dans le Coran, dans un verset d'une sourate du Coran. C'est venu sans l'article Al. Lequel? Naam. Dans le Fatiha, détrompe-toi. Le frère dit dans le Fatiha. Naam. Qui est au niveau 2 dans le cours d'arabe? Toi? Allah aslihuk. Fallait pas lever ta main. Tayyib. Qu'avons-nous cité dans la règle du mudaf et du mudafun ilay? Quant aux caractéristiques du mudaf. Dans les caractéristiques du mudaf. Fadal. Biduni al. Wa biduni tanwin. Pourquoi? Parce qu'il est défini par. Le mudaf ilay. Donc voici pourquoi il n'y a pas. Donc ça n'est pas la réponse. Un verset dans le Coran où Ar-Rabb est cité sans elle. Vous voulez que je vous donne la réponse, ça ira plus vite, ou je vous donne des indices? Je vous donne la réponse, vous n'êtes pas motivé. Dans Surat Yasin. Hein? Vers la fin de Surat Yasin. Quelle bonne nouvelle et immense rétribution Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce pour ceux qui entreront au paradis. Amrun azim jiddan, une chose immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala va accorder à ses serviteurs. Yusallimu alayhi, il va les saluer, il va leur passer le salam. Salamun qawlan min rabbin rahim. Salamun qawlan min rabbin rahim. Salutation, une parole du Seigneur tout miséricordieux. Ici l'auteur rahimahullah ta'ala nous a cité la partie du hadith qui servait à argumenter l'intitulé du chapitre. Sinon, le hadith est plus long que cela. À la suite du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a orientés et leur a enseigné at-tashahhud, at-tahiyyatu lillah. D'accord, jusqu'à la fin. Munasabatu al-hadith lil-bab. Tahrimu qawl السلام على الله. L'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre car on y voit l'interdiction de dire السلام على الله, que la paix soit sur Allah. ما يستفاد من هذا الحديث, que pouvons-nous tirer de ce hadith? النهي عن السلام على الله. Premièrement, l'interdiction de demander la paix pour Allah. Pourquoi, chers frères, on ne demande pas la paix pour Allah? Ça va de bonne. Car lui-même est As-Salam. C'est un des noms d'Allah, Azza wa Jal. Ahsant. Deuxièmement, parce qu'il est parfait, il n'a aucun manquement. Et lorsque tu demandes As-Salam pour Allah, qu'est-ce que cela signifie? Je demande à ce qu'il soit exempté et purifié de défauts et manquements. D'accord? Troisièmement, c'est Allah Azza wa Jal qu'on demande et on ne demande pas pour lui. Naam. Indaman. Il manque une chose. Naam. Ça n'est pas mustaqim dans le sens. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui purifie ses serviteurs des défauts, des manquements, ainsi de suite. Donc toi, en demandant ça, on pourrait, yani ça laisserait entendre qu'il est sujet aux manquements et aux défauts. Alors qu'en réalité, Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas touché, il est loin de tout manquement et de tout défaut. Fihi ta'lim al-jahil. On tire de ce hadith qu'il faut enseigner à l'ignorant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cela, il leur a dit: La taqoul assalamu ala Allah. Ne dites pas assalamu ala Allah. Il n'a dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'utiliser la sévérité ou autre. Celui qui est ignorant, tu lui transmets la science, tu lui enseignes. Certaines personnes peuvent témoigner d'un mal. Celui qui a fait ce mal est ignorant. Et tu vois que la personne fait preuve de dureté, de sévérité, elle crie en public, et ainsi de suite. C'est pas ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bikulli suhul avec toute simplicité. La taqulu assalamu ala Allah, fa inna Allah wa sallam. Ne dites pas assalamu ala Allah, Allah lui sait assalam. Hakaza tu'allim al-jahil. C'est ainsi que tu enseignes à l'ignorant. Wa li kulli maqamin maqam. Fi nahyu anil munkar. On tire de ce hadith le fait de corriger le mal, de ne pas se taire sur le mal, de blâmer, de corriger ou de réprimander lorsqu'il y a un mal. Ne dis pas cela ne me concerne pas. Ne dis pas quelqu'un d'autre lui dira. Ne dis pas mais si je lui parle il ne va pas m'aimer. Là, si tu vois une faute, corrige-la. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Celui qui parmi vous voit un mal, qu'il le change avec sa main. Fa in lam yastati' fa bi lisani. S'il n'en a pas la capacité, alors avec sa langue. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. S'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur. Et voici le degré le plus bas de la foi. Wa dhalika dha'ful iman. قارن الحكم بالعلة. Le fait de relier le jugement à la cause. Tu cites la sagesse de l'interdiction ou bien la sagesse de l'obligation lorsqu'elle est connue. Ça fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis aux gens: telle chose est interdite parce que. Des fois on connaît la sagesse, des fois on l'ignore. Lorsqu'on la connaît, c'est une bonne chose de la citer afin que celui qui t'écoute soit tranquillisé. Afin que celui qui t'écoute soit tranquillisé. Aussi, ça permet aux savants de faire un qiyas, une analogie. En connaissant la sagesse de telle chose, il sait que lorsque la cause se retrouvera dans une autre situation, il saura que c'est le même jugement, l'interdiction. Par exemple, tu sais que on a interdit tout ce qui enivre, tout ce qui couvre la raison. Tu sais que l'alcool a été interdit, entre autres, pour cela. D'accord? Donc, tu vas savoir que de fumer du cannabis, c'est haram. Parce que la illa, c'est dhahab al-aql. Par exemple, une des illa, c'est que la personne a un manque dans sa raison, on perd le aql. Donc on va savoir que de fumer du cannabis, c'est haram. Parce que ça entre dans le hadith. D'accord? Ça, c'est un exemple qui est cité, mais en réalité, c'est pas le meilleur exemple, car c'est interdit directement par le texte, sans passer par le qiyas. Tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a interdit de nous suicider, de nous tuer nous-mêmes. De là, tu vas savoir que de fumer des cigarettes, c'est haram. D'accord? Une personne, ou le frère Saad, étant en da'wah dans le sud, et il a fait da'wah à quelqu'un qui fumait. Et la personne a commencé à débattre, bilbatil, en disant: non, c'est makruh, c'est pas haram, c'est détestable. Donc le frère lui a dit: quel est le jugement de faire des choses qui nuisent à la santé, qui tuent la personne. Il a dit c'est haram. Il lui a dit fais voir ton paquet de cigarettes. Et il lui a montré, il lui a dit lis ça. Et il y avait écrit quoi dessus? Fumer tue. D'accord? Quel est le jugement de se faire exploser dans les gens et de prétendre que c'est un djihad? Se faire exploser en public pour tuer des gens, naam, et de dire que c'est un djihad. C'est haram. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit de se tuer. Donc tout ce qui cause la mort de la personne, c'est haram. Donc toi tu connais cette sagesse-là, tu vas savoir donc que de se suicider par désespoir ou autre, c'est haram. Tu vas savoir que de mettre une bombe, c'est haram. De faire un attentat suicide, c'est haram, et ainsi de suite. Un autre exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que deux personnes ne discutent pas en privé alors qu'il y a une troisième autre. Donc on est nous trois ensemble, nous sommes nous trois ensemble, et moi je l'appelle et je lui dis viens, je vais te dire quelque chose. Et on laisse le troisième. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit li ajli anna dhalika yuhzinu, car cela l'attristerait. Donc la illa c'est quoi? C'est d'attrister le musulman. Pourquoi c'est interdit de faire ça? Parce que ça attriste le musulman. D'accord. De dire une mauvaise parole au musulman, ça l'attriste? Oui. T'as pas le droit. De dire à la femme, à son épouse qu'elle n'est pas belle, ça l'attriste? Oui. Que son plat n'est pas bon du tout, ça l'attriste? Oui. Tu le dis pas. Non. Ton ami te fait un cadeau. Ce cadeau ne te plaît pas trop. Tu lui dis ou tu lui dis pas? Tu lui dis pas. Pourquoi? Parce que ça l'attriste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas parler à deux alors qu'il y a une troisième personne parce que ça l'attriste. Tout ce qui attriste le musulman, tu ne le fais pas sauf s'il y a une preuve. Donc de connaître les sagesses dans une interdiction, il y a une grande faïda derrière. Ibn Athim a acheté une troisième chose qui ne me revient pas. Wallahu musta'an. On tire également de ce hadith. Yajibu ala al-abd an yura'i al-adab ma'a Allah subhanahu wa ta'ala fala yatakallamu bi kalimatin tuhimu an-naqs fi haqqi Allah tabaraka wa ta'ala. Une grande faïda de ce chapitre et des chapitres qui viendront, c'est que le croyant, le serviteur, doit peser ses mots. Il doit faire attention à ce qu'il dit et avoir le meilleur des comportements envers Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il s'exprime. Et ne jamais dire une parole de laquelle on pourrait comprendre qu'il y a un manquement concernant une chose, qu'il y a un manquement concernant Allah Azza wa Jalla, que ce soit dans ses noms, dans ses attributs, dans ses actions. Donc je répète, devant l'importance de cela, il incombe au serviteur d'avoir le meilleur des comportements vers Allah tabaraka wa ta'ala, en faisant attention lorsqu'il parle, à ne pas dire une parole qui pourrait laisser entendre et supposer qu'Allah Azza wa Jal a des manquements. Subhanahu wa ta'ala. ومن فقه خديجة كما قال أهل العلم في الصحيح لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ لخديجة رضي الله عنها السلام من الله ما السلام من جبريل قالت رضي الله عنها هذه الفقيهة التي تأدبت مع الله رب العالمين وعليه السلام أي وعلى جبريل السلام من الله السلام وعلى جبريل السلام أو كما قال شاهدنا لم تقل السلام على الله خديجة رضي الله عنها. La première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette femme noble, pieuse, vertueuse, véridique, qui a secouru l'islam et les musulmans, commençant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son époux, a reçu une bishara avima, une annonce sublime. Jibril alayhi salam est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, transmet à Khadija le salam de la part de son Seigneur. Allahu Akbar. Et de la part de Jibril, de par la grande compréhension qu'elle avait du dîn, elle n'a pas répondu et sur Allah as-salam. Elle a dit et sur Jibril as-salam, et c'est d'Allah que vient le salam. Na'am. Elle a su qu'on ne demandait pas as-salam pour Allah azzawajal. Elle a dit de lui vient as-salam, et que le salam soit sur Jibril. Lorsqu'on te transmet le salam de quelqu'un, tu réponds au salam et tu rends le salam. Elle n'a pas le rendu le salam à Allah, mais elle a demandé le salam pour Jibril alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal n'est pas sujet au manquement. Donc on ne demande pas pour lui le salam. C'est de lui que vient le salam et parmi ses noms le salam. Alors que Jibril c'est une créature. Donc on peut demander le salam pour Jibril alayhi salam, le meilleur des anges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas corrigé sur cela. حسن القصد لا يمنع من الإنكار. Certaines personnes, lorsque tu les conseilles, tu les corriges ou tu les réprimandes, qu'est-ce qu'elles disent souvent? ما أردنا إلا الخير. On a voulu par cela que le bien, mais j'avais pas une mauvaise intention. Sahih. Ici, les Sahaba, lorsqu'ils disaient cela, est-ce qu'on peut penser une demi-seconde qu'ils ont une mauvaise intention? Ils avaient une mauvaise intention? Jamais. Ce sont les meilleurs des gens après les prophètes et les messagers. Leur niya, leur qasd, c'était de saluer Allah tabaraka wa ta'ala et de dire du bien et de respecter Allah azza wa jal et de considérer Allah tabaraka wa ta'ala. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a repris sur cela, les a corrigés et les a orientés. Lorsqu'on te corrige et qu'on te reprend, remercie Allah tabaraka wa ta'ala d'avoir guidé telle créature pour te conseiller. C'est pour cela que certains parmi les salafs disaient « Rahimallahu abdan ahda ilayna uyubana » Qu'Allah fasse miséricorde au serviteur qui m'offrira mes défauts. Qu'Allah fasse miséricorde au serviteur qui m'offrira mes défauts. Ils voyaient cela comme un bienfait d'Allah. Quelqu'un qui vient et te dit « T'as tel manquement, tel manquement, tel manquement, tel manquement, tel manquement. » Ensuite, la façon, ça c'est un autre sujet. La façon de donner conseil, ça c'est un autre sujet. Donc à partir du moment dans la parole, il y a eu, yani on pouvait comprendre, ou cette parole laissait entendre qu'Allah Azza wa Jal pouvait avoir un manquement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam immédiatement a corrigé le sahaba. Immédiatement il a corrigé le sahaba radiallahu anhu. Donc la personne peut vouloir le bien mais se tromper dans la parole. Ça ne nous empêche pas de la corriger. Ça ne nous empêche pas de la corriger. De dire qu'elle n'a pas pris de péché parce que c'est un ijtihad et ainsi de suite, là n'est pas la question. Nous, on parle de corriger la personne, d'orienter la personne. Le fait qu'elle ait une bonne intention n'empêche pas de la corriger. Man ankara munkaran yanbaghi alayhi an yurshida ila al-ma'ruf. Wa hadha min فقه الداعي إلى الله عز وجل ويذكر العلة إن كانت معروفة. Donc celui qui reprend quelqu'un sur une chose et lui interdit cette chose, il convient par la suite de l'orienter vers la chose qui est permise. Ça fait partie du bon prêche et de la bonne orientation du prédicateur. Aussi, on cite la sagesse de l'interdiction. الشاهد, on ne le voit pas ici car comme je vous ai dit l'auteur rahimahullah ta'ala a cité une partie du hadith. La preuve de ce que je viens de dire, que j'ai repris des savants, est à la suite de ce hadith. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné at-tashahhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné at-tashahhud. Pour finir, quelle est la salutation de l'islam? Assalamu alaikum. Hein? Pas comme le font certains lorsqu'ils rentrent chez eux, alors qu'il n'y a que des musulmans. Ils commencent par quoi? Bonjour. Ou bien bonsoir. Parce qu'il y a autre chose que j'ignore. Il y a quoi encore comme salutation? Salut. D'accord, j'avais oublié ça. Khair, inshallah. Après, il y a des expressions. Le frère a dit, est-ce que je peux répéter ça? C'est sage de le dire ou pas? Peut-être que c'est sage parce que certains se le disent. D'accord? Ou je vais épeler. Un W, un E, un S et un H. Et j'ai honte de le dire, car je n'aime pas que l'assise de science se transforme en lieu de rigolade, ou bien du moins l'excès dans cela. Un mal de plaisanter ou de détendre, ça c'est une chose qui est faite par les savants et qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'assise n'était pas faite pour cela à la base. D'accord? Donc certains disent, le frère a dit, wesh. D'accord? Ça, c'est pas une bonne chose. Même des femmes, elles disent ça. Allahu Akbar, j'ai entendu ça de femmes. Naam. C'est moche d'entendre cela. Et encore plus d'une femme. Naam. يعني ما تصور الرجل يدخل بيته وأهله تقول له هذا الكلام. الله المستعان. Comment est-ce qu'on peut imaginer un homme qui rentre chez lui et que sa femme l'accueille avec cette parole-là? Et après, elle rajoute, ça va bien, ça va ou pas, ou madriach. D'accord? Ça, c'est des langages, rien qui ne convient pas d'avoir. Et celui qui a grandi dans un endroit où on s'exprimait ainsi, lorsqu'ensuite il apprend que le prophète parlait comme ça, il accueillait comme ça, il faisait comme ça, que les savants nous ont éduqués comme cela, que les prêcheurs disent ceci et cela, à ce moment-là, il sait que ça, c'est un manquement. Donc, il dit à partir de maintenant, dès que tu m'entendras dire cela, reprends-moi. D'accord? Il désigne parmi ses amis, ceux qui lui veulent le bien et sa famille, des gens qui vont l'aider à se corriger. وَكُلُّنَا ذُو يعني ذَو النَّقْصِ. Et nous avons tous des manquements ou de mauvaises habitudes. Mais alhamdulillah, ça se corrige. D'accord? Ça se corrige. T'as tel langage, tu dois aspirer à avoir meilleur que celui-ci. T'as telles habitudes, tu dois aspirer à avoir meilleur que celle-ci, et ainsi de suite. D'accord? Et sache que si tu parles comme ça, ton épouse va parler comme ça. Si ton épouse parle comme cela, tes enfants vont parler comme cela. Donc tes enfants ne vont pas courir dans tes bras, « Ya Abi, Ya Abati, Salam alaikum, kayfa hal. » Non. T'imagines? Yani, il t'accueille, il dit « W-E » S-H, Abi. Subhanallah. D'accord, maintenant toi tu vas venir avec ton père, il va accueillir le grand-père aussi comme ça. Tu vas venir avec ton frère, il va accueillir son oncle comme ça. Une sœur, elle va venir avec ton épouse, l'enfant va dire ça. Les gens vont penser du mal de toi, ils vont se dire ces enfants sont mal éduqués. Donc, on referme cette parenthèse. Assalamu alaikum, c'est le tahiyya qu'on nous a choisi pour nous, Ahlul Islam, le meilleur. D'accord? Quel est son sens? Cette parole qui est la plus répandue entre nous, Assalam, quel est le sens de cette parole? Lorsque tu dis à quelqu'un Assalamu alaykum, qu'est-ce qui répond à cette parole? Premièrement, on va apprendre à prononcer le salam. Hein? On va apprendre à prononcer le salam, car on entend des choses qui sont parfois étranges à la langue arabe. Donc, tu dis Assalamu avec Alif Lam. Assalamu alaykum. Tu dis pas Salam alaykum, comme ça. Aussi, il y a un Aïn dans le salam. Assalamu alaykum. Alaykum. Pas Salam alaykum. Non, alaykum. Pas, yani, faut qu'on se corrige sur cela, sur la prononciation. Même si la personne est ajamiya et non arabe, ou bien qu'elle est convertie, ou qu'elle ne parle pas l'arabe. Elle corrige le salam. Elle s'entraîne, elle demande. D'accord ? Assalamu alaykum. Hakaza. Répète. Assalamu alaykum. Alaykum. Naam. Comment est-ce qu'on répond ? Est-ce qu'on dit wa alaykum salam ? Wa alaykum salam. Wa alaykum. Mafhoum ? T'as quel âge ? 12 ans. Comment est-ce que tu t'appelles ? Mamadou ? Mamadou ou Mohamed ? Mohamed, tu peux t'appeler Mamadou, t'as le droit. Comment est-ce que tu veux que je t'appelle ? Mohamed. Mohamed, c'est le prénom de qui ? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ahsan, barakallahu fik. Comment est-ce que tu réponds si quelqu'un te dit assalamu alaykum ? Comment ? Wa alayk. Wa alaykum salam. Il faut dire wa alaykum. Wa alaykum salam. Si tu dis ça, t'as dit récompense. Hein? Si tu dis wa alaykum salam wa rahmatullah, tu as 20 récompenses. Et si tu rajoutes wa barakatuh, tu as 30 récompenses. Et tu n'étais pas fatigué. T'as vu comment Allah Azza wa Jalla est généreux avec nous? Alhamdulillah. Donc, il faut répondre ainsi. Wa alaykumus salam. Ainsi, vous pourrez corriger ceux qui sont autour de vous, vous-même. Quant au sens de cette parole, il y a plusieurs sens. Quant au sens de cette parole, il y a plusieurs sens. Il y a un dhikr. Il y a un dhikr dans cette parole. Il y a une dua. Il y a une demande de baraka. Il y a une dua. Les trois choses-là, on les trouve dans Assalamu alaykum. Il y a du dhikr. Il y a une dua. Et il y a une baraka. Donc en citant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on recherche la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. La dua, vous retenez, ad'u Allah an yusallimakum min al-afat. Le sens qu'on retient ici, c'est quoi? Quand tu dis à quelqu'un assalamu alaykum, j'invoque Allah en ta faveur qu'il te préserve des défauts et des problèmes. D'accord? On pourrait peut-être traduire par le mal en général. Ad'u Allah an yusallimakum min al-afat. Donc la première chose, c'est que tu cites le nom d'Allah Azza wa Jal. Pour lui, à la recherche de la bénédiction en citant le nom d'Allah Azza wa Jal. Le deuxième sens, c'est que tu invoques Allah Azza wa Jal en sa faveur afin qu'il le préserve. Comme on a expliqué que فَإِنَّ اللَّهُ وَالسَّلَى, on a dit que le deuxième sens, c'est quoi? C'est que c'est celui qui préserve ses serviteurs des problèmes, des défauts, du mal et ainsi de suite. Donc ça, c'est le sens qu'on cite ici. Quand tu dis assalamu alaykum, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il préserve cette personne du mal et des défauts. Le troisième sens, hada ikhbar, c'est une information. C'est une information. Anta salimun min al-adha wa shar. Yu'amminuhu an la yanal minhu shar. Le troisième sens, c'est que c'est une information que tu dis à la personne, que tu transmets à la personne. Tu lui dis assalamu alaykum, c'est une information. Que la paix soit sur vous, c'est-à-dire, ô toi un tel, tu seras en paix de ma personne, devant tout mal et toute nuisance. Tu seras à l'abri de toute chose me concernant. Vous avez compris? Donc t'informes la personne qu'elle sera en paix. Tu ne lui veux aucun mal et tu ne la toucheras d'aucun mal. Est-ce que c'est compris? Donc tu la tranquillises et tu lui dis qu'elle sera en paix, que tu ne lui veux aucun mal et que tu ne lui feras aucun mal. Lorsque les invités d'Ibrahim a.s. sont venus, les anges, dans le tafsir, on trouve certains qui ont dit trois anges, je me souviens plus, c'est Ibn Sa'id ibn Kathir, rahimahumullah. Qalu salam, qala salam. Lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Salam. Naam. Ils l'ont tranquillisé, ils ne lui veulent aucun mal et il ne lui sera fait aucun mal. Il leur a répondu avec un meilleur salam, qala salam. Et dans Adab ou Salam, il y a plusieurs choses à savoir. Allah Azza wa Jalla nous facilite un moment, on pourra détailler cela. Voici ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a facilité pour ce chapitre. Donc on ne dit pas As-salamu ala Allah. On s'éloigne de cette parole afin de concrétiser At-tawhid. Car cette parole pourrait laisser entendre qu'Allah Azza wa Jalla a des défauts ou des manquements. Et cela viendrait corrompre la perfection du tawhid de la personne. Ou bien entacher. Le chapitre suivant. Chapitre 52. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. Concernant la parole, ou le chapitre concernant la parole, ô Allah, pardonne-moi si tu veux. Si tu le veux. Ay la yajuzu dhalik. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de rattacher notre demande à la volonté d'Allah. Il n'est pas permis de dire, oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Ici, l'auteur attire notre attention sur ça. Si tu veux. Quand tu fais de dua, c'est interdit de dire si tu veux. Et Allah, donne-moi si tu veux. C'est-à-dire, Inch'Allah. Munasabatul babi li kitab al-tawhid. لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرهبة وقلة الاهتمام بالمطلوب وهذا نقص في توحيد الإنسان ويدل أيضا على الاستغناء عن الله من ناحية أخرى ويشعر بأن الله سبحانه وتعالى قد يضطره إلى فعل ما يفعل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القول المضاد للتوحيد. فناسب ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. لوتر رحمه الله تعالى أسيتي Donc, a donc cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid. Pourquoi? Car de demander à Allah Azza wa Jalla en ces termes, oh Allah, pardonne-moi si tu veux, nous montre que le serviteur ne désire pas vraiment ce bienfait. N'est pas vraiment dans le besoin de ce bienfait. N'accorde pas beaucoup d'importance à cette chose. Et ça, c'est un manquement dans le tawhid de la personne. Quand tu fais dua, le fait d'être dans cet état, c'est un manquement dans le tawhid, c'est un manquement dans l'adoration. Aussi, en plus de cela, ça montre que le serviteur pourrait se passer des dons d'Allah. Ça montre que le serviteur n'a pas vraiment besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, en disant si tu veux, ça laisse entendre que quelqu'un pourrait contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à faire une chose qu'il ne voulait pas faire. Ça laisse entendre que quelqu'un pourrait contraindre Allah à faire ou de faire une chose, à faire na'am une chose qu'il ne voulait pas faire à la base. Et toutes ces choses viennent à l'encontre du tawhid. Toutes ces choses viennent à l'encontre du tawhid, de la perfection du tawhid. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mis ce chapitre dans son livre, Kitab al-Tawhid. أما مناسبة الباب لما قبله quant au lien qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent, وجوب مراعاة الأدب مع الله في الألفاظ, le rapport qu'il y a entre ce chapitre et le chapitre précédent est le fait de faire attention à ce que l'on dit et afin d'avoir le meilleur comportement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Car certaines paroles peuvent laisser entendre qu'Allah Azza wa Jal a des manquements dans certaines choses. Aussi, زيد على ذلك أن هذا الباب تضمن كمال سلطان الله سبحانه وتعالى وكمال جوده وإحسانه وفضله وذلك من صفات الكمال. Ajoute à cela que dans le chapitre passé on nous a parlé de la perfection d'Allah dans ses attributs. Ben dans ce chapitre on va voir qu'Allah tabaraka wa ta'ala a la perfection absolue dans la gérance, son pouvoir, dans sa générosité, ses dons et ses largesses. Et tout cela fait partie de ses attributs. Donc pour répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on nous a interdit de dire « Allahumma ghafir li in shi't » ou « Allah pardonne-moi si tu veux » ? Ça n'est pas propre au pardon, comme on le verra. Donc pourquoi on nous interdit de rattacher la demande à la volonté d'Allah en disant « Inch'a, si tu veux » ou bien « Inch'a'Allah, si Allah le veut » Premièrement, « Hadha al-qawl, talab ay, al-talab al-mu'allaq bil-mashi'ah » Mush'irun bistighna'i da'i 'anillah. Premièrement, le fait de dire si tu veux nous fait ressentir que le serviteur peut se passer d'Allah. C'est comme s'il disait si tu me donnes, c'est bien, si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Si tu me donnes, c'est bien, si tu ne me donnes pas, c'est pas grave. Est-ce que ça, c'est un comportement avec Rabbul Alamin? Est-ce que ça c'est un comportement qu'on pourrait avoir avec celui duquel on ne peut se passer ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil? Est-ce que ça c'est un comportement à avoir avec celui qui donne avec largesse et qui aime que tu lui demandes? Certainement pas. Donc ça nous laisse entendre que ce serviteur n'est pas dans le besoin, ou bien que le serviteur peut se passer d'Allah. Aussi que cette chose qu'il demande n'a pas grande importance. كَنَّهُ قَالْ إِنْ شِئْتَ اِغْفِرْ لِي وَإِنْ شِئْتَ لَا تَغْفِرْ. C'est comme s'il avait dit, si tu veux pardonne-moi, si tu veux pardonne-moi pas. الْأَمْرُ لَا يَهُمُّنِي. Cela m'est égal ou cela ne m'est pas vraiment important. Cela n'est pas vraiment important pour moi. فَفِي هَذَا فُتُو At-talib. Dans ça, on voit que celui qui invoque n'est pas motivé dans sa demande, n'accorde pas grandement de l'importance. Il n'a pas un bon comportement avec Allah subhanahu, envers Allah tabaraka wa ta'ala dans le chapitre de Ad-Dua. Et cela n'est pas l'état du croyant qui nous a été cité dans le Coran, duquel nous avons fait l'éloge. Comment est-ce qu'on nous décrit les serviteurs pieux au moment de faire ad-du'a? Ça n'est pas ainsi. Ça n'est pas l'état du serviteur qui a rempli son cœur d'espoir de ce qui se trouve auprès d'Allah Azza wa Jal et qui a connu et qui a su qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala donne avec largesse et que cela lui est facile. Quel comportement doit avoir le croyant lorsqu'il demande? يسأل سؤال المحتاجين. المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يستغني عن الله طرفة عين ولا قل من ذلك. Le croyant, lorsqu'il demande à Allah, il doit demander la demande de celui qui est indigent, besogneux, qui est pauvre et qui ne possède rien, si ce n'est ce qu'Allah Azza wa Jal lui donnera. Il doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'un état qui montre qu'il sait qu'Allah donne avec largesse et qu'il est riche. Il doit demander à Allah Azza wa Jal d'un état qui nous montre qu'il sait qu'Allah aime être invoqué et supplié. Subhanahu wa ta'ala. Tu dois demander à Allah Azza wa Jal à l'image de l'homme qui, si on ne lui donne pas cette chose qu'il est en train de demander, il périra. Celui sans lequel on ne peut vivre. Et en vrai, c'est ça la situation. Si ce n'est que nous sommes distraits et ignorants. Allah dit dans le Coran, « Amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su'. » Qu'est-ce qui répond à celui qui est dans la grande difficulté lorsqu'il l'invoque et qui dissipe le problème? Lorsqu'il invoque Allah Azza wa Jal, il est en détresse. Il est en détresse. Et cela ne va pas avec Allahumma ghfirli in shi't. Cela ne peut s'associer avec oh Allah, donne-moi si tu veux. Si tu veux, donne-moi. Si tu veux, donne-moi. Là, une parole grave. Deuxièmement, donc la première cause c'est quoi? On nous interdit cela, car ça nous montre que le serviteur pourrait se passer d'Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il n'accorde pas d'importance à la demande. Deuxièmement, التعليق بالمشيئة إنما يتأتى في حق من قد يفعل بلا مشيئة وإنما يكره على الفعل. Deuxièmement, le fait de rattacher la demande à la volonté de celui qui est invoqué peut avoir lieu dans le cas où elle pourrait faire sans volonté. Elle pourrait être contrainte à faire une chose qu'elle ne voulait pas faire à la base. Lorsque tu dis à la personne, fais ceci si tu veux, tu peux dire cela dans le cas où elle aurait pu le faire même sans le vouloir. Non? Tu dis à quelqu'un, fais telle chose. Puis tu lui dis, si tu veux. Pour dire, si tu veux, fais-le, si tu veux, ne le fais pas. D'accord? Sachant qu'elle aurait pu le faire même sans le vouloir, du fait que c'est toi qui lui as demandé. Vous avez compris? Est-ce que cela est permis pour Allah tabaraka wa ta'ala? Non. On ne peut contraindre Allah tabaraka wa ta'ala à faire une chose qu'il ne voulait pas. Donc, il n'y a pas lieu de dire « in shi't », de rajouter « si tu veux ». Car de toute façon, personne ne peut contraindre Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith que nous allons lire, c'est ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme sagesse de cette interdiction. إذن قول المرء اللهم اغفر لي إن شئت قد يوهم أن الله قد يفعل بلا مشيئة بل بإكراه. Donc la personne qui dit Allah pardonne-moi si tu veux peut laisser entendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala pourrait faire une chose même sans le vouloir, mais plutôt par contrainte. Naam. Ça reviendra à dire Allahumma inni as'aluka bi an taghfira li bi mashi'atik wa lastu mukrihan lak. Ça reviendra à dire quoi? Oh Allah, je te demande de me pardonner par ta volonté et je ne te force pas, mais je ne te force pas à le faire. Ça revient à dire ça, subhanallah. Hadha la yajuz. C'est interdit de penser cela et d'avoir ça comme ou d'avoir ça comme croyance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Troisièmement, هذا القول لا فائدة منه لأنه من المعلوم المتيقن أن الله عز وجل إنما يجيب ويفعل بمشيئته. Troisièmement, ça, il n'y a aucune nécessité ni utilité à dire si tu veux. Car on sait tous sans aucun doute, que tout ce qu'Allah Azza wa Jal fait, il le fait, par sa volonté. Ce qu'Allah veut, il le fait. Ce qu'il ne veut pas, il ne le fait pas. Donc il n'y a pas de nécessité à ajouter. Il n'y a pas de sagesse, ni de faïda à ajouter in shit. Car de toute façon, Allah Azza wa Jal fait et exauce que s'il le veut. Subhanahu wa ta'ala. Comme il le dit dans plusieurs endroits du Coran. فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ. Allah Azza wa Jal nous cite dans le Coran que s'il le veut, il nous exauce. Donc il n'y a aucune nécessité à rattacher la demande à la volonté d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. فَوَ تَحْصِيل حَاصِيل. رابعا كتخيمه هذا اللفظ مشعر بأن سؤال الله قد يكون في شيء يعظم على الله فكأن الداعي يهون الأمر ويقول أنا ما أريد أن أثقل عليك فأسأل شيئا ثقيلا عظيما الأمر إليك إن شئت أن تعطيني فالحمد لله فإلا فقد علمت أن الأمر ثقيل. Quatrièmement, dans cette demande, on peut comprendre, on nous laisse entendre que la chose qui a été demandée à Allah est trop importante, trop conséquente. Vous avez compris? Donc celui qui invoque a demandé une chose tellement lourde et tellement conséquente, tellement immense qu'il dit si tu veux. D'accord? C'est comme si ça pourrait être lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azim. Alors pour alléger sa demande, il dit, il demande une chose immense, puis il dit si tu veux. Puis il dit si tu veux. On pourrait comprendre donc qu'il y a des choses qui sont lourdes pour Allah tabaraka wa ta'ala à exaucer. Donc au final, ça revient à ta volonté. Si tu veux me donner cette chose, tu me la donnes. Dans le cas contraire, ne me la donne pas. Prenons par exemple Walillah al-Mathal al-A'la, les taqrib al-Fahm pour mieux comprendre, si ça n'est pas assez clair. Imaginez un homme qui veut emprunter de l'argent à une autre personne. Il veut lui emprunter 100 000 euros. C'est quelque chose de conséquent. Et la personne pourrait se trouver dans la gêne en refusant. Alors pour alléger la situation, qu'est-ce qu'on rajoute à la fin de la demande? Si tu veux. Ainsi la personne, en disant si tu veux, on aura dissipé cette gêne. Est-ce que c'est clair? Et c'est formellement interdit d'avoir cette croyance envers Allah Azza wa Jal. Il n'y a rien qui est lourd pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a rien qui est lourd pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. S'il te donne la dunya, cela n'aura pas été lourd pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a rien qui est lourd chez Allah Azza wa Jal parmi ce qu'il donne. Il n'y a rien qui est immense chez Allah Tabarak. Tout ce qu'il donne, c'est simple pour Allah Tabarak. S'il te donne la dunya et tout ce qu'elle contient, ben sache que ça ne sera pas lourd pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni grand chez lui subhanahu wa ta'ala. Wa hasbuka hadith Abi Dhar al-Ghifari. Et te suffit pour parfaitement comprendre cela, le hadith qu'on a lu dans l'Arba'in al-Nawawiyya. Celui qui n'est pas arabophone, je lui conseille de revenir sur le site La Voix Droite et d'écouter l'explication entière du hadith Ya Ibad. Du hadith Ya Ibadi, c'est le hadith numéro combien? 19. Le hadith, non, le hadith numéro 19, c'est le hadith d'Abdullah bin Abbas, un Abil Abbas. Abdullah bin Abbas, radiallahu anhuma. طيب قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك الكلمة. سال حديث numéro 19. نعم. سال حديث numéro 24. vous revenez sur le site dans l'explication de l'Arba'a al-Nawawiyya et vous, je vous conseille d'écouter, je vous recommande vivement d'écouter l'explication de ce hadith. Un hadith azim, ashrafu hadithi ahli al-Sham. Hein? Écoutez ce hadith, inshallah, vous en tirerez grandement profit. Donc, dans ce hadith, un hadith qudusi, c'est un hadith à thème divin où le prophète sallallahu alayhi, il est inda muslim, selon Abu Dhar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donc, mawtin shahi, qu'Allah dit, ya ibad, qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à vous, ses serviteurs, à nous, en disant, ya ibad, ô vous mes serviteurs, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته أو كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Ô vous mes serviteurs, si vous étiez tous réunis sur une seule et même place, du premier au dernier, l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns, imaginez cette situation, du premier homme au dernier, du premier djinn au dernier des djinns, toutes ces créatures réunies sur une seule et même place, puis chacun invoque Allah Azza wa Jalla et lui demande tout ce qu'il souhaite. Allah tabaraka wa ta'ala dit, s'il répondait à chacun dans sa demande, s'il accordait à chacun tout ce qu'il a demandé, ben cela ne diminuerait en rien ce qu'Allah Azza wa Jal possède. Si ce n'est la part que pourrait retirer une aiguille trempée dans la mer lorsqu'on la, on l'en ressent. Prends une aiguille, mets cette aiguille dans la mer et ressort-la de la mer. Qu'est-ce qui ressort? Rien, même pas une goutte d'eau. Non. Comment est-ce qu'après cela, on pourrait penser qu'une chose est thaqila pour Allah subhanahu wa ta'ala? Comment est-ce qu'on pourrait penser qu'une chose qu'Allah azza wa jalla accorderait serait lourde pour lui? Tabaraka wa ta'ala. Il retient les cieux et la terre afin que, il retient le ciel pour qu'il ne s'écroule pas sous. Wa si'a kursi'u samawat wa la yadu hifdhuhuma. Allah azza wa jalla, il retient le trône, l'arche, et c'est la plus grande créature. Et cela ne lui cause aucune peine. Subhanallah, tu peux tout demander à Allah, tabaraka wa ta'ala. Min khayrati dunya wal akhir. Quand tu demandes à Allah, azza wa jalla, demande-lui tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque vous demandez le paradis, demandez le firdaus al-a'la. Demande les meilleures choses. Ne demande pas peu, demande beaucoup. Na'am, si tu veux demander de l'argent, demande pas un euro. Demande tout ce qui te suffit. Non. Quand tu veux demander, demande la meilleure, même si c'est de la dunya. Il n'y a rien qui est lourd chez Allah tabaraka wa ta'ala. L'ignorant pourrait se dire, non, moi je ne veux pas demander beaucoup à Allah Azza wa Jalla. Je ne veux pas que ce soit beaucoup. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Tout ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Donc, pour ces quatre raisons que les savants ont cité, il n'est pas permis de dire Allahumma ghfir li in shi't, ou Allah pardonne-moi si tu veux, ou Allah pardonne-moi si tu veux. L'auteur rahimahullah ta'ala cite un hadith avec ces deux versions, fi sahih ay jins as-sahih fi sahihay عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرهبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه وهنا وليعظم Rahba. Dans le recueil des hadiths authentiques, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'aucun d'entre vous ne dise « Oh Allah, pardonne-moi si tu le veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux. » Soyez déterminés dans vos demandes, car rien ne contraint Allah. Soyez déterminés dans vos demandes, car rien ne pourrait contraindre Allah. Et d'après Muslim, dans la version de l'imam Muslim, qu'il fasse preuve d'une grande ambition. Qu'il fasse preuve d'une grande ambition. Qu'il soit déterminé dans sa demande. Car il n'y a rien de trop grand pour qu'Allah ne puisse le faire. إذن هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم لا هنا ناهية بدليل جزم الفعل بعده. Donc ici quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit qu'aucun d'entre vous ne dise, c'est une interdiction. Qu'aucun d'entre vous ne dise, c'est une interdiction. Allahumma ghfir li inshit. Al-maghfira, le pardon. Quand tu dis Allahumma ghfir li, ça comprend trois choses. Tu demandes à Allah trois choses. Al-sitr, al-tajawuz, wa-tiqa'aqibati al-dhanb. Wallahu al-musta'an. Lorsque tu dis « Oh Allah, pardonne-moi », ça comprend trois choses. Tu demandes à Allah qu'il te cache ton péché. Afin que les gens ne le sachent pas. Afin d'être préservé de l'fadir. Deuxièmement, tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te l'efface. Il n'est plus à ton mada, dans tes feuillets. À ton actif, tu ne le trouves pas yawm al-qiyam. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il t'enlève ce péché, qu'il ne te le compte pas, qu'il te l'efface. Troisièmement, tu demandes à Allah Azza wa Jalla de te prémunir contre les effets découlant du péché. Tu demandes à Allah Azza wa Jalla qu'il ne mette pas sur toi tout ce qui découle des péchés, comme humiliation, comme faiblesse, comme malédiction, comme faiblesse de rizq, comme faiblesse de force, comme inimitié dans le cœur des serviteurs et ainsi de suite. Inshit, ne dis pas oh Allah pardonne-moi si tu veux. Ne dis pas oh Allah fais-moi miséricorde si tu veux. Et ici on voit la demande de pardon avec la demande de pitié. On voit la demande de pardon avec la demande de miséricorde. Traduire par miséricorde, tu peux traduire par pitié. Comme un frère traducteur nous a fait profiter. Ici, après avoir demandé le fait d'être préservé du mal, on demande le bien. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner tes péchés afin d'être préservé du mal. Puis tu lui demandes sa miséricorde afin d'être touché par le bien. Donc après citer après avoir demandé à ce qu'on repousse de toi le mal, tu demandes à ce qu'on te donne le bien. Car la perfection de la chose et la pureté de la chose ne peut s'obtenir si ce n'est comme ça. Je dois enlever le mal, puis mettre le bien. Comme dans Shahada, la ilaha illallah. Celui qui adore Allah Azza wa Jal, mais il adore d'autres, c'est un musulman? Non, c'est un mushrik parce qu'il n'a pas enlevé le mal. Il n'a pas renié le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Il faut d'abord être tasfiya. Il faut d'abord l'épuration, la purification. Et ensuite, mettre le bien. D'abord tu nettoies le récipient, puis tu mets le bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ne pas rattacher ces deux demandes à la miséricorde, à la volonté. Puis il nous dit, il nous oriente vers ce qu'il faut faire. لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَ أي لا يتردد بل يجزم في طلبه ويحقق الرغبة ويتيقن الإجابة. Donc la personne, lorsqu'elle fait le dua, liyazim al-mas'ala, il doit être déterminé dans sa demande. Il ne doit pas être dans le doute. Oh Allah, donne-moi si tu veux ou non. Ya Allah, donne-moi, je suis dans le besoin. Et si tu ne me donnes pas, je ne trouverai personne pour me donner en dehors de toi. Hakaza. Il ne doit pas avoir de doute. Il doit demander en étant déterminé dans sa demande et en ayant la certitude qu'Allah Azza wa Jalla est parfaitement capable de lui donner. Donc dans ça, il n'y a pas de doute. Par contre, dans la réponse, par rapport à toi, là tu peux douter. Parce que tu as des péchés, parce que tu as des manquements, et ainsi de suite. Là, il peut y avoir une chose qui empêche la réponse. Dans ça, tu n'auras pas la certitude parce que tu ne vois pas de toi que tu es pur. Mais du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien concernant Allah tabaraka wa ta'ala, tu as la certitude. Tu as la certitude. Donc tu dois avoir l'espoir. Tu dois rechercher cela. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite la sagesse de ne pas dire cela. En nous disant, فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ. Car personne ne peut contraindre Allah. Ne dis pas, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, fais-moi miséricorde, si tu veux. Car de toute façon, personne ne peut contraindre Allah. Il ne te donnera que s'il le veut. Donc il n'y a pas de sagesse, ni de bien à citer, si tu le veux. Si Allah Azza wa Jalla ne veut pas te donner, tu ne pourras pas, le contraindre à cela. Al-amru kulluhu lahu wa ilayhi. Toute l'affaire lui appartient et revient à lui. Puis l'auteur nous a cité la version de l'imam Muslim. وَلِيُعْظِمِ الرَّغْبَةِ. Qu'il fasse preuve d'une grande ambition. أي يسأل العظيم الشيء العظيم يسأل القليل والكثير الصغير والعظيم والكبير يسأل كل ما يريد. فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني هو الجواد هو الكريم هو الملك هو المالك هو الكبير العظيم. Qu'il demande tout ce qu'il veut, qu'il fasse preuve d'une grande ambition, qu'il demande tout ce qu'il veut, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, que ce soit petit ou que ce soit grand. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَمُ شَيْءٌ أَعْطَى. » Car il n'y a rien de trop grand pour qu'Allah ne puisse le faire, ne puisse donner. Il n'y a rien qui soit trop grand chez Allah Azza wa Jalla pour qu'il puisse le donner. Il n'y a rien pour lui qui est trop grand, ni difficile, tabaraka wa ta'ala. Tout ce que tu veux se trouve auprès d'Allah Azza wa Jalla. Une personne qui a la maladie la plus grave, est-ce qu'il va faire dua en demandant à vivre un jour de plus? Parce qu'il se dit de demander la guérison, c'est azim. La guérison d'un cancer, ou bien du sida, ou bien d'une maladie, les plus graves. Là, وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزِ. Cela n'est aucunement lourd chez Allah. Tu demandes la guérison pour ta personne, ou pour tes proches, ou pour les gens, pour les musulmans, de n'importe quelle maladie, وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Allah est parfaitement omnipotent. Allah est parfaitement omnipotent. Il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'une personne en chaise roulante fasse dua et qu'Allah Azza wa Jalla lui redonne l'usage de ses jambes. C'est pas azim chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Quand Allah veut une chose, il lui dit sois et allez. Des gens qui avaient le cancer, ils ont fait le dua, ils ont fait l'asbab. Allah Azza wa Jalla shafahum. Il les a guéris. Des femmes en salle d'accouchement, on leur a dit, on a dit à leur mari, elle va mourir. Et aujourd'hui, ils sont vivants, elles sont vivantes, elles ont eu d'autres enfants. Des enfants à la naissance, on a dit, ils vont mourir. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont vivants, ils mangent, boivent. Donc il n'y a rien qui est trop lourd chez Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce que tu veux, c'est auprès d'Allah azza wa jalla, demande-le. Naam. Mohamed, quelle est la chose que tu aimerais le plus avoir? Quelle est la chose que tu aimerais le plus avoir? Toi, oui. Dis-moi ce que tu aimerais le plus au monde. Aller au paradis? Allahu Akbar. Moi aussi. Des choses de la dunya, des choses de ce bas monde. Aller en Arabie Saoudite? Allahu Akbar. Pour faire quoi? Pour étudier? Allahu Akbar. Moi aussi, c'est un de mes rêves. Qu'Allah Azza wa Jalla nous facilite cela. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla, demande à Allah Azza wa Jalla, Allahumma adkhilna al-jannah, Allahumma yassir lana طلب العلم في المملكة العربية السعودية عند علماء السنة. Je demande Allah Azza wa Jal. Tout ça, c'est facile pour Allah. D'accord ? نعم. ثبتنا الله وإياكم على التوحيد وعلى السنة. Voici le sens donc de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. المعنى الإجمالي, le sens général donc du hadith, est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de rattacher la demande du pardon de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à sa volonté. Mais il nous a plutôt orienté à demander Allah azza wa jal avec détermination. Car demander Allah azza wa jal une chose, puis de dire si tu veux, accorde-moi cela si tu veux, fait montrer que la personne n'a pas grandement besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala, ni de la chose qu'il demande. Et cela n'est pas le comportement du croyant lorsqu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Aussi, ça pourrait laisser entendre que ces choses-là sont lourdes pour Allah tabaraka wa ta'ala, alors que nous savons et nous avons la certitude qu'Allah azza wa jal est parfaitement omnipotent et qu'il est parfaitement riche et accorde avec largesse. Munasabatul hadith lilba, le rapport entre ce hadith et le chapitre, et qu'on y voit l'interdiction de rattacher la demande du pardon à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va citer les fawaid après l'adhan. Après l'adhan. Ma yustafadu min al-hadith, ce que nous pouvons tirer de ce hadith, annahyu an ta'aliqi talab, annahyu an ta'aliqi talab al-matloub min Allahi bimashi'ati. والأمر بإطلاق سؤال الله دون تقييد. On tire de ce hadith l'interdiction de rattacher la demande faite à Allah subhanahu wa ta'ala à sa volonté, et l'ordre de citer la demande de manière absolue. C'est-à-dire, quand tu demandes, tu ne dis pas « Oh Allah, donne-moi si tu veux. Ya Allah, donne-moi telle chose. Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, accorde-moi le paradis. Ya Allah, guéris-moi. » Tu demandes sans dire si tu le veux. Ceci est interdit. Tanzihullahi subhanahu wa ta'ala amma la yaliqu bih. On doit dire qu'Allah azza wa jal, et avoir comme croyance qu'Allah azza wa jal est exempté de tout ce qui ne sied pas à sa perfection. Si'atu fadlihi wa kamali ghinah. On voit ici la grande, ou bien les grandes faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, sa grande générosité et la perfection de sa richesse. Wa karami wa judihi subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un point qu'il convient de rappeler, parce que c'est une chose qu'on entend souvent. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'aucun d'entre vous ne dise: oh Allah, pardonne-moi si tu le veux, oh Allah, fais-moi miséricorde si tu le veux. Qu'il soit déterminé dans sa demande, ou bien soyez déterminé dans vos demandes. C'est une chose qu'on entend souvent, hein? Allahu yaghfir lak insha'Allah. On entend toujours ça. Barakallahu fik, insha'Allah. Non. Quand tu fais dua, tu ne dis pas insha'Allah. Quand tu fais dua, tu ne dis pas insha'Allah. Tu demandes directement. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit lorsqu'on fait dua de dire insha'Allah. Car personne ne peut forcer Allah à donner une chose qu'il ne veut pas. Deuxièmement, c'est comme si tu n'avais pas vraiment besoin de cette chose. C'est comme si tu n'avais pas vraiment besoin de cette chose. Donc tu demandes et tu fais attention à ce. Tu ne dis pas Inch'Allah après ta demande. Et lorsque tu entends les gens dire cela, tu leur fais le rappel avec ce hadith qui est dans le recueil de l'imam Bukhari, dans le recueil de l'imam Muslim, et c'est le hadith d'Abi Hurayrata radiallahu anhu. Même chez des gens de science, tu peux entendre cela, car c'est devenu une habitude et ça s'est répandu. Donc on doit faire attention et se conseiller mutuellement dans cela. Certaines personnes pourraient dire: comment se fait-il qu'on dit ici que ce n'est pas permis de dire Inch'Allah, alors que dans Salat al-Istikhara, dans le dua pour Salat al-Istikhara, on a rattaché la chose à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et de là, certains parmi les savants disent donc, c'est makruh, c'est pas muharram, comme l'imam al-Nawawi ibn Hajar, rahimahumullah. D'accord ? Donc, ça c'est un chapitre, et ça c'est un autre chapitre. Aussi, dans la visite du malade, la ba's tahurun insha'Allah. Certains pourraient dire, mais quand on visite le malade, on dit la ba's tahurun insha'Allah. Donc, est-ce que ces textes viennent à l'encontre de ce chapitre et du hadith de ce chapitre ? Non, les savants ont répondu à cela. Quant au hadith dans le recueil de l'imam Bukhari, lors de la visite du malade, de lui dire « La ba's tahurun insha'Allah » Hada ikhbarun. Ça c'est une information. Naam, ça c'est une information. Ala tariqatil bishara wa laysa du'aan. Ça c'est pas une demande, c'est une information. On lui dit c'est une purification inshallah. Hein, c'est une information. On lui dit mais nous on n'a pas la certitude de cela. Donc on lui dit sous forme de bonne nouvelle à titre informatif. Donc ça à titre informatif, c'est ce qu'on espère pour lui. C'est que c'est une maladie. Mais Inch'Allah, c'est une purification pour lui. D'accord ? C'est une purification pour lui. Donc ça n'entre pas dans notre chapitre. C'est une information et non pas une demande. Ay hada tahurun Inch'Allah. Ça veut dire que ça, c'est une purification Inch'Allah. Donc ici, on voit qu'il y a de l'espoir. Ça n'entre pas dans le chapitre. Dans ce chapitre aussi. Le hadith de Anas, la prière de consultation, عند al-Bukhari, on voit ta'liq al-du'a. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa ma'ash wa 'aqibati amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li. Donc ici on voit oh Allah, si tu sais que cette affaire est un bien pour moi dans ma religion, dans ma vie et dans la finalité de mon ordre, décrète-le-moi et facilite-le-moi. Puis, mets-moi la bénédiction dans cette chose. Est-ce que, ici, on a rattaché la demande à la volonté d'Allah Azza wa Jal ou à la science d'Allah ? À la science d'Allah, car tu fais salat al-istikhara, tu veux rentrer dans un commerce, tu ne sais pas si c'est un bien pour toi, est-ce que tu vas réussir, est-ce que ça ne va pas te nuire dans ta religion ? Comme certains qui sont entrés dans le commerce, puis se sont éloignés de la religion, puis ont délaissé le Jumu'ah, puis ont transgressé les limites d'Allah, puis sont entrés dans le riba, et ainsi de suite. Donc tu ne sais pas si ça sera un bien pour toi, dans ta religion ou dans ta dunya. Donc tu vas rattacher cela à la science d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et non pas, ici, à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça n'est pas la même chose. Tu abandonnes ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa connaissance. Hada huwa wa sallallahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aṣlih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma ighfir lana wa rahamna. اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك